chillé, 6h du mat et je me réveille sur un coup de choc. Au bout de la langue, un goût de chat, j'en maigre et j'ai les couilles qui grattent. Soirée télo, je me sens crade, je vais me taper une go que je connaissais avant. 1h du mat, une 4, un plan vite fait après un petit concert VIP. Je voulais jouer la croupie et moi direct je l'ai accroupi. Ses copines ont dû partir avec le reste de mon groupe, mais j'ai rien calculé, foncé, fallait que je mette mon coup. Maintenant j'ai mère, je sors de mon trip sur la nuit. Et là la meuf m'inquiète, elle pute dort encore allongée dans sa gerbe nue sur la moquette, faut que je me casse. Mais vu sa face, avant ça je travaille son queue. Sa quête est bonne, c'est bon, je trace. Et j'ai même les clés de sa caisse, pépère, un petit Clio 2. En fait c'est quoi son blast, Justine Claude ou peut-être Chloé. De toute façon je m'en fous, 8h moins le quart, j'ai déjà foutu le camp. Je suis sur la route comme mon phone sonne. C'est quoi ce boucan? Un gros box son à l'autre bout du fil. Un arrière-fond, un son qui défile, une voix qui dit. En plus les filles ont fil, en fait c'est qui? Une sorte d'after avec, je vais leur faire une surprise, rendez-vous. Ou à ma cipoile tout de suite. Enfin, vers 8h15, je déboule. Je vois qu'il y a du monde, ils ont serré les doigts, ça fait doux. Mais la gova sort tout. J'explique mon trip de fou. Après 3-4 pilons, le plan est fait. On part à dame entre refrains. En fait, quelle heure il est? 9h10 quand on taille sur le trajet bédo. 6 dodo, rien d'anormal. Arrivé vers 1h, 2h, posé dans le coffee à 2h, 5 à 6. Assis à cette heure-ci, c'est peu whisky sec en plus. Plus sec pour celui qui tousse sur mon joint pur. Après une nuit blanche, c'est dur. Mais mes sauces assurent, défoncé. Je peux même plus dire quelle heure il est. Comment je m'appelle, qui je suis et ce que je fais. On décide de vendre la caisse pour pas se faire tricard au retour. Avec la maille qui reste, on se tapera des putes en plein jour. Putain, plein de gens guettent mal quand on débarque sur le quai. Avec nos blunts en fumant la garde, un instant parfum super funk. On prend le talis de 17h46. Le trajet passe, on est tous pistes. Arrivé gare du Nord, 10h10. Une demi-heure plus tard, routier car, je suis complètement chaud. Wesh Mathis, vas-y laisse-moi cramer le studio. 11h30, minuit, yo. Je termine ce morceau, la morale c'est le malheur des uns et le bonheur des autres. J'ai passé une pure journée et j'avoue être fatigué. Et en rentrant chez moi, je me souvenais même plus de la matinée. Un bon spliff et je bouffe, une bonne douche et je me couche. Dédié, dédicace, ce sont aux têtes de pure souche.